yo na miso te mase o bakisa kami bali na bote na yo ya majio bakolula yo na muzika kasi na pembe ngigi bakobanga yo kobi misa talilo bakoyo ya bolingo Mama bota yo ye mo kisto to mo baganue Maselo ba Masé masé masé ye ye masé Oyo fleur magique yo ne mwinda ya bolingo Okonge ngalo kola moi Mwaye ya kotala yo Na miso le masé Mama bota ya yemo kisu tomo paganue La fête du bongo, ma maman, chérie à moté, à moté, ma zulu bobo, maman, Kenya bolingo, yambanga, tout ça la fête du bongo, ma maman, chérie à moté, ma moté, ma maman, maman à moté, ma moté, ma maman, Kenya bolingo, yambanga, tout ça la fête du bongo, ma maman, aïe, aïe, Tongo e lata kitoko dendae seka moketo yambana mi kiseni.